Where is Crimson? J'ai voulu faire un arrangement pour Crimson, mais il est parti. Putain, je me suis fait chier pour rien. Francesco, come on. Vas-y, Francesco. Vas-y, François. Francesco. Come on, Francesco. Ouais, mais c'est pas grave. On fera une autre fois, c'est pas grave, j'ai enregistré. Je vais l'enregistrer. Il s'appelle Chris. Allez-y. C'est qui joue là? C'est joli ça. Moi? Mais it's not BPI 16. To play a new song or the Crimson song? Where is Crimson? Willy, je sais pas Willy. Crimson, je vais le voir sur le chat. You want to play 16 BPI? Choose what you want to play and I follow you. You want a new song or the Crimson song? Take one, two, three, four, four, four. 80. Je n'ai pas vu votre réponse. Take one. Bon ben j'essaye de voter, on va bien voir ce que ça donne. I want you sing, yes. Okay. Listen to the Crimson song. It's not my song is Crimson. I want says. Okay. I don't sing the Crimson. On va improviser alors. Do you want to? Comment on dit garder? You want to change the BPM or not? I follow you. If someone have a riff, a bass riff, guitar riff, or RP, you play guitar, c'est ça? Lucio, batterie, guitar. User, I don't know what you play. Ah, voilà. Okay, Francesco. Ok, 130, ça marche. Francesco, maestro. fun. Attention, on va l'activer. 130 sur les routes. Come on, my friend, come on. Thank you. castone sono bravissimo, al castone sono bravissimo, al castone. Thank you. Thank you.